Bonjour et bienvenue chez Intérim France. Vous êtes une entreprise, une collectivité, un organisme public? Tapez 1. Vous êtes salarié intérimaire? Tapez 2. Vous êtes candidat? Tapez 3. Vous souhaitez déposer votre CV, créer votre compte sur intérimfrance.fr et bénéficier de services et de conseils pour gagner en efficacité dans votre recherche d'emploi? Rendez-vous sur notre site internet. Intérim France vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Vous avez une question relative à votre relevé d'activité, votre salaire ou une demande d'attestation? Tapez 1. Vous souhaitez entrer en contact avec votre agence Intérim France? Tapez 2.